الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous continuons la lecture du livre de l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى الأدب المفرد et nous reprenons au chapitre Babu Mawla al-Qawm min anfusihim. An Rifa'a ibn Rafi' Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala li Umar radiyallahu anhu Ijma' li qawmak ay Quraysh Fajama'ahum Falamma hadaru Baba al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayhi Umar faqal Qad jama'tu laka qawmi Fasami'a dhalika al-Ansar فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون إن أولياء منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغى بهم قال زهير أظنه قال العواثر كبهه الله لمن خريه يقول ذلك ثلاث مرات كبه الله لمن خريه يقول ذلك ثلاث مرات L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, nous mentionne dans ce chapitre, est-ce que le maoula d'un peuple fait partie d'eux? Est-ce que le maoula d'un peuple fait partie d'eux? Ce qui est voulu par el-maoula peut être l'affranchi, na'am, et il porte le nom de ceux qui l'ont affranchi à l'époque où il y avait encore ces pratiques. Mais est-ce que pour l'imam al-Bukhari nous mentionne ce chapitre pour nous dire, malgré la proximité de cette personne avec ce groupe, avec ce peuple, est-ce qu'il peut dire et s'affilier, est-ce qu'il peut dire sa généalogie, son nasab en s'affiliant à eux? Naam. Maoula peut avoir cette place parce que celui qui l'a converti à l'islam est cette personne. Alors il portera, il dira qu'il a son nom de famille tout en précisant qu'il ne fait pas partie des leurs. Comme l'imam al-Bukhari, on dit al-Ju'fi, car son grand-père a été guidé à l'islam par al-Ju'fi. Al-Yaman al-Ju'fi, rahimahullahu ta'ala. Il peut être al-Mawla d'un peuple, car il y a un pacte entre sa famille et l'autre famille. Donc ce sont des notions qui, à notre époque, peuvent être ignorées, car rares. Mais ce qu'il faudra retenir de ce chapitre, c'est que tu n'as pas le droit de t'affilier à autre que ton père. Tu n'as pas le droit de t'affilier, de porter un nom autre que ton père. Et si tu veux ajouter un rapport entre toi et une autre famille, car il y a un pacte entre vos familles, d'entraide, ou parce que cette famille est la cause de ton entrée en islam, et il y a une grande proximité avec eux, tu pourras citer leur nom tout en précisant, naam, tout en précisant que tu n'es pas le fils de de cette famille. Pour traduire le hadith, Rifa'a ibn Rafi' nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, réunis-moi ton peuple, c'est-à-dire Quraysh. Il les réunit. Lorsqu'ils se présentèrent à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar entra auprès de lui et lui dit, je t'ai réuni mon peuple, c'est-à-dire Quraysh, les proches du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar apprirent cela et dirent, la révélation est descendue concernant Quraysh. Alors ceux qui voulurent t'écouter et entendre ce qu'on allait leur dire, vinrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit et se tint devant eux, puis leur dit, y en a-t-il parmi vous qui ne sont pas issus de vous? C'est-à-dire, y en a-t-il parmi vous qui ne sont pas de Quraysh? Ils répondirent, oui, il y a parmi nous nos alliés. Naam. Il y a nos neveux maternels. Il y a nos affranchis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nos alliés, nos neveux maternels et nos affranchis font partie de nous. Font partie de nous. Entendez-vous? Parmi vous, mes alliés, en réalité, sont que les pieux. Si vous en faites partie, alors il en est ainsi. Sinon, prenez garde à ce que le jour de la résurrection, les gens ne viennent pas avec des œuvres et vous veniez avec des fardeaux et vous serez écartés. Puis il proclama aux gens, il leva ses mains et les posa sur les têtes des membres de la tribu de Quraysh. Aux gens, les Quraysh sont fidèles et loyaux. Quiconque les opprime, Zuhair a dit, je pense que c'est lui ou leur dresse des embûches, Allah les renversera sur leur nez, c'est-à-dire il les jettera dans l'enfer, la tête la première. Il répéta cela trois fois. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, réunis-moi ton peuple, c'est-à-dire Quraysh. Quraysh, c'est le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Omar s'exécuta, il vint t'en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar, qui ne font pas partie de Quraysh, ont entendu cela. Ils ont donc pensé que la révélation avait été révélée et qu'il allait transmettre des informations. Ils sont donc venus pour entendre ce qui allait se dire et profiter de l'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il leur a demandé, est-ce qu'il y a autre que Quraysh parmi vous? Ils ont répondu, oui. Ils ont répondu, oui. Il y a parmi nous, nos alliés. Qui sont les alliés? Ce sont différents peuples, différentes familles, qui s'entendent sur un pacte de secours mutuel, de défense mutuelle. Cela était courant à l'époque. Ils ont également dit, Wabnu Urtina, il y a parmi nous des gens qui ne sont pas de Quraysh. Il y a qui? Les enfants de nos sœurs. Pourquoi il dit les enfants de nos sœurs? Pourquoi il ajoute parmi autres que Quraysh les enfants de nos sœurs? Hein? Parce que la lignée, elle se prend de quel côté? Du côté du père. N'est-ce pas? Mais quand sa sœur se marie à autre qu'un Quraysh, ses enfants vont être de Quraysh? Non, ils vont suivre leur père. C'est pour ça qu'ils ont répondu, il y a parmi nous ici, Wabnu Urtina, les enfants de nos sœurs. Parce que si les sœurs ne se marient pas, avec qui pour qu'ils soient de Quraysh? Le seul moyen que la sœur ait des enfants de Quraysh, c'est que cette sœur-là se marie avec qui? Ibn Ammiha, avec son cousin. Aussi de Quraysh, à ce moment-là, ses enfants seront de Quraysh. Mais là, quand ils disent, il y a parmi nous autre Quraysh, à savoir les enfants de nos sœurs, c'est-à-dire qu'elles se sont mariées avec autre que Quraysh, donc leurs enfants ne sont pas de Quraysh. Et ça, c'est une grande information. C'est que la lignée et le nom se perpétuent par qui? Par le père. Il ne faut pas se réclamer d'autre que le Père. Il ne faut pas dire, par exemple, je suis moitié-moitié ou un quart ou comme on peut entendre. Non. On se réclame du Père. Quelle que soit son origine. Quelle que soit son origine, sa couleur, sa qualité sociale. Non. Et ils ont également dit Wama Walina. Naam. Mada, leurs anciens affranchis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que tout ce que vous venez de mentionner, vous avez dit qu'ils n'étaient pas de Quraysh. Moi, je vous dis qu'ils sont des nôtres. Ils ne sont pas de Quraysh, certes, mais ils sont proches de nous. Ils ont une grande place chez nous. Ils ne sont pas de Quraysh, mais ils sont des nôtres. C'est-à-dire, ils ont une grande place. Ils ont énormément d'importance, même s'ils n'ont pas la même lignée que nous. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, vient changer les habitudes de la période anti-islamique. Qui, lorsqu'ils n'avaient pas le même nom qu'eux, qui, lorsqu'ils n'avaient pas la même lignée qu'eux, ou la même noblesse qu'eux, ils étaient méprisés peut-être. Et les enfants de ceux qui s'étaient mariés dans la famille, ils étaient immensifiés, valorisés. Et les enfants de celles qui s'étaient mariées en dehors de la famille, ils étaient méprisés, on ne leur donnait pas de place. En fait, Salam vient dire tout cela est fini. Tous ces gens-là sont proches de nous, ils ont une grande place. Ils ont une grande place. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Wa antum tasma'un » M'écoutez-vous. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pour attirer leur attention. Car ce qui va être mentionné ici a une haute importance. Il leur dit « Inna awliya'i minkum al-muttaqu » Les proches, ceux qui sont proches de moi en réalité parmi vous, c'est que les pieux. Alors qu'il a réuni qui? Quraysh, sa famille. Il leur dit, vous êtes ma famille. On est tous des proches. Mais en réalité, celui qui est proche dans le din de moi, celui qui est proche chez Allah de moi, c'est que le pieux parmi vous. Qui est le pieux? Le pieux, c'est celui qui fait ce qu'Allah lui a commandé avec science, en espérant la récompense d'Allah. Et il délaisse ce qu'Allah lui a interdit avec science, par crainte de son châtiment. C'est ça la piété. C'est l'union de ces deux principes-là. أن تعبد الله وأن تطيعه على نور من الله ترجو ثوابه وأن تترك معصيته على نور من الله خيفة عذابه. Tu obéis Allah, tu adores Allah, tu te conformes à ses ordres avec science, avec connaissance, le cœur rempli d'espoir quant à l'acceptation d'Allah de ton acte et à la récompense. Au même moment, tu t'éloignes des interdits, avec science, le cœur rempli de crainte face à son châtiment et le rejet de ton action. Si tu es pieux, tu fais partie des proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais partie des proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il leur dit, si vous êtes ainsi, yani si vous en faites partie, si vous êtes partie des pieux, alors, alhamdulillah, il en est ainsi, peut-être mes proches. Puis il leur dit, wa illa fantaziru. Et dans le cas contraire, attendez. Ici, c'est un avertissement. Ici, c'est une menace. Attendez la finalité de votre affaire. Attendez ce qu'Allah Azza wa Jal fera de vous. Si vous vous reposez sur votre nom de famille, votre lignée, votre noblesse, vos ancêtres, tout en délaissant les bonnes œuvres. Si vous faites ça, attendez ce que vous trouverez chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah nous le dit dans le Coran, dans suratu Mada al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ô vous les gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, Adam et Hawa. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. pour que vous vous rencontriez. Pour que vous vous rencontriez, vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous chez Allah, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ça, c'est la règle de l'islam. Ça, c'est la règle de l'islam. Le plus noble d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ بَطَّأَ بِي عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Et quiconque aura pris du retard dans les bonnes œuvres, sa noblesse, elle est dans sa généalogie, dans son nom, ne le fera pas avancer plus vite. Celui qui se repose sur moi, je suis le fils d'un tel et moi, mon nom de famille, c'est ça, et qui ne fait pas de bonnes œuvres, hein, s'il est en retard, ça ne le fera pas avancer plus vite. Ça ne le fera pas avancer plus vite. Et regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de la lignée de ceux qui n'ont pas été pieux. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dans Sourate Al-Mu'minun, Allah nous dit que quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre ce jour-là. À la fin du monde, il n'y aura plus un tel, c'est le fils d'un tel, il va le sauver, il va le... Non, il n'y a plus de lien. Chacun va s'occuper de sa propre personne. Et ils ne se poseront pas la question. Donc on retient cette grande règle en islam. Le meilleur, c'est le plus pieux. Si tu veux être le meilleur, tu dois être le meilleur chez Allah en faisant ce qu'il t'a commandé et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Tu n'as pas de lien avec Allah en dehors des bonnes œuvres, en dehors de sa connaissance et des bonnes œuvres. Tu n'as pas de lien avec Allah par ta couleur. Tu n'as pas de lien avec Allah par ta richesse. Tu n'as pas de lien avec Allah par ta noblesse. Tu n'as pas de lien avec Allah parce que tu es le fils de, ou l'épouse de, ou l'époux d'une telle. Non, le lien avec Allah, c'est la science utile, c'est les actions pieuses. Le lien avec Allah, c'est la science utile et c'est les actions pieuses. Et rappelle-toi l'histoire d'Ibrahim alayhi salam dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Yalqa Ibrahim wa abahu azara yawm al-qiyamah » Ibrahim alayhi salam rencontrera son père Azar le jour de la résurrection. Déformé du visage ou avec, il y a un défaut sur le visage ou de la poussière. Et le père d'Ibrahim dira à Ibrahim, aide-moi, secours-moi. Ibrahim lui dira, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Il lui répondra, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Mais est-ce que ça va lui servir à quelque chose de mal qiyam? Alors Ibrahim alayhi salam demande à Allah, ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'humilier le jour de la résurrection? Et quelle humiliation y a-t-il de plus grande que d'avoir son père éloigné, c'est-à-dire jeté en enfer? Allah lui dit, j'ai interdit le paradis aux mécréants. Puis on transforme son père en hyène et on ordonne aux anges de le prendre par les pattes et de le jeter en enfer. Ça, c'est le père de Khalil al-Rahman, Kasir al-Asnam, Abu al-Anbiya, Imam al-Hunafa. Ça, c'est le père de celui qui a cassé les idoles de sa main, du père des prophètes, du bien-aimé d'Allah Azzawajal au plus haut point avec le prophète Mohammed sallam. C'est le père des prophètes. Pourtant, il n'a pas pu être utile à son père parce qu'il n'a pas cru en Allah, il ne l'a pas adoré. Il n'y a pas de lien avec Allah, si ce n'est avec la piété. Abu Lahab, quelle fut sa finalité? Abu Jahl, quelle fut sa finalité? Pourtant, ils ont tous un lien de parenté très haut et très noble. À l'inverse, Bilal, Al-Habashi, Suhaib, Al-Rumi, et beaucoup d'autres, qui ne faisaient pas forcément partie de Quraysh, mais Allah les a anoblis par l'islam. Allah les a élevés de par l'islam. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne venez pas le jour de la résurrection alors que les gens viendront eux avec des bonnes œuvres, vous viendrez avec quoi? Avec des lourdeurs, c'est-à-dire des péchés. C'est-à-dire des péchés, les met en garde et on se détournera de vous. Ça n'est pas parce que vous faites partie de Quraysh que si vous venez avec des péchés, que vous allez avoir une place. Non, les gens vont venir avec des bonnes œuvres. Si vous, vous venez sans bonnes œuvres, vous serez éloigné. Puis il a appelé, ô vous les gens. Naam, il a fait les éloges de Quraysh. Et a dit que les gens de Quraysh sont des gens qui respectent le dépôt et qui sont loyaux. On voit ici le mérite de Quraysh. Le mérite des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallam les appelle, c'est par miséricorde, c'est par pitié envers eux. Comme toi, tu veux conseiller ton enfant, et avant de lui parler, tu dis « Ya waladi ». Tu dis « Oh mon enfant ». Tu veux parler à ton frère, tu dis « Ya akhi ». Oh mon frère. Ça va l'attendrir et le prédisposer à mieux écouter ce que tu vas lui dire. Mais le prophète sallam avait la plénitude de la miséricorde envers sa communauté, le conseil envers sa communauté, la peur du feu de l'enfer pour sa communauté. À un point tel qu'un jour il a appelé ses proches par leur nom, par leur lien familial. Il a dit « Ya al-Abbas » ou « Ya Fatima bint Rasulillah bint Muhammad » ou « Fatima, la fille de Muhammad » « Ya Safiya, la tante du prophète. » Il les a appelés un par un et il leur a dit « Demandez-moi ce que vous voulez de mes biens, mais le jour du jugement dernier, je ne pourrai rien pour vous, cher Allah. » Allahu Akbar, c'est le messager d'Allah, la meilleure créature d'Allah. Il te dit « Je ne peux rien pour toi, Yom Al-Qiyam. » C'est toi et tes actes que vous allez rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est un principe. Il faut vraiment l'assimiler, le comprendre. Dans Dunya, des fois, tu as des soucis. Tu dis, moi je connais un tel, moi je connais un tel, moi je suis le fils d'un tel, moi je suis. Hein? En utilisant tes relations, en utilisant tes contacts. Et il y a des shafa'at, il y a des intercessions, il y a des intermédiaires, des connaissances. Et ça peut te sortir, naam, te sortir de soucis et te dépatouiller de problèmes. Mais yawm al-qiyamah, c'est que ton lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et même l'intercession n'aura pas lieu si ce n'est après sa permission et seulement pour ceux qu'il aura agréé, les gens du Tawhid. Donc ça, c'est des principes, il faut qu'ils soient enracinés en nous. Rien ne me sera utile au Malqiyama si ce n'est mes actes et la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Personne ne pourra faire quelque chose pour moi. Donc il faut connaître Quraysh, il faut connaître leurs valeurs, ainsi que les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, lorsqu'on nous dit Qala Zuhayr, il fait partie des mashayikh de l'imam al-Bukhari. Et le prophète sallam a mis en garde contre le fait de chercher des problèmes à Quraysh. De chercher des problèmes à Quraysh. Et de chercher à leur rendre dure la tâche. Naam, le prophète sallam a dit ensuite: celui qui leur cherche des problèmes, Allah le fera tomber face la première. Naam. Il a répété cela à 3 reprises. Le chapitre suivant, Ikhwan al-Kiram, l'imam al-Bukhari, passe à un autre thème. Jusqu'à présent, on était dans quoi? Silat al-Rahim, les liens de parenté. Là, il entre dans un thème qui a une énorme part en islam, qui a une place toute particulière en islam. Particulièrement cette religion qui est venue après Mahda, la Jahiliya, la période anti-islamique. Particulièrement après que cette religion soit venue à la Fatratin min al-Rusul, après un grand espace, un grand écart entre le prophète Isa alayhi salam et l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce thème que nous mentionne ici l'imam al-Bukhari? Le fait de prendre soin des filles. Celui qui a des filles. Celui à qui Allah Azza wa Jal a fait don de filles. L'imam al-Bukhari nous mentionne ça dans quoi? Dans quel livre? Al-Adab al-Mufrad. Il t'enseigne ici que fait partie du adab le fait d'honorer ce joyau qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et le fait de le considérer comme tel, comme un don d'Allah, comme il te l'a dit, lui, dans le meilleur de ses livres qu'il a révélé. L'imam Bukhari nous dit donc, « Babun من عالى جاريتين أو واحدة. Le chapitre suivant, celui qui s'occupe de deux filles ou même d'une seule. Celui qui s'occupe de deux filles ou même une seule. C'est-à-dire, quel est le mérite de ça? Quel est le mérite de cela? Et quelle est la place de ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le mérite de cela est immense. Et la place auprès d'Allah est incommensurable. Grandiose, extraordinaire. Mais que signifie Ala? C'est la première chose à savoir. Tu veux rentrer dans le mérite, mais il te faut comprendre ce qu'il faut faire pour avoir une part de cela. Ala jariyatayn, c'est-à-dire, il prend soin d'elles. C'est-à-dire, il les affectionne. Retenez ces mots. Enregistrez ces mots. Notez ces mots. Notez ces mots, en espérant qu'Allah nous aide à mettre en pratique ce qui nous vaudra, incha'Allahu ta'ala, son agrément par sa miséricorde. Donc, il les affectionne, il les aime, il les considère comme un don d'Allah. Il les éduque, il est bienfaisant envers elles, il les préserve. Il les protège, il leur ordonne le convenable et leur proscrit le blâmable. Il les défend face aux nuisances et il les empêche de se faire du mal et autrui de leur faire du mal. Tout cela entre dans l'essence de « ala jariyatayn », prendre soin de deux filles ou d'une seule. L'imam Bukhari nous mentionne le hadith « an Uqbata ibn Amir » radiallahu anhu qal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, d'après عقبة ibn Amir رضي الله عنه, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: quiconque a trois filles endure avec elles. Endure avec elles. Et la vêtit du fruit de son effort. La vêtit du fruit de son effort. C'est-à-dire de ce qu'il possède. Selon ce qu'il possède. Elles seront pour lui un voile contre le feu. Elles seront pour lui un voile contre le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, celui qui a trois filles, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal lui a fait don de trois filles, issues donc de mariage. Ici on nous dit trois filles, mais si c'est quatre, alors la récompense n'est que plus grande. Et si c'est cinq, la récompense n'est que plus grande. Et ainsi de suite. Mais on nous cite des conditions. On nous dit, sabara alayhin, il endure avec elle. Il endure sur quoi? Leur éducation. Il endure, il supporte, il fait des efforts, il est régulier. Il y a une lourdeur, il y a une difficulté. Il y a une lourdeur, il y a une difficulté. Il endure dans quoi? Il dépense pour elle. Il endure dans pourquoi? Il endure dans quoi? Il les protège. Il endure dans quoi? Il leur enseigne. Il les oriente. Il les préserve du mal, de l'égarement. Il les protège des loups qui considèrent ces joyaux comme de la viande. Et ici, on a une grande leçon dans l'éducation des enfants. C'est que les parents qui n'ont pas d'endurance ne pourront être de bons éducateurs. Les parents qui n'ont pas d'endurance ne pourront être de bons éducateurs. Parmi les plus grandes base de la bonne éducation, c'est le fait d'endurer les difficultés et d'avoir une poitrine large, de ne pas se mettre en colère pour toute yani, action de l'enfant où il y a un désagrément. Naam. Donc, il est demandé aux parents d'avoir de l'endurance, parce que c'est lourd, c'est difficile, c'est long, jour après jour, semaine après semaine, puis mois après mois, puis année après année. Et il faut être encore là, et il faut encore faire des efforts. Quant à celui qui a la poitrine resserrée, qui se met en colère pour un oui ou pour un non, naam, et qui profère de mauvaises paroles, c'est quoi ces enfants? Je n'ai marre des enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait, comme ils disent au bon Dieu, pour avoir ça? Et moi, j'étais comme ça avec mes parents. Et vous, ceci. Et vous êtes une calamité. Et ce genre de parole, wal-iyadhu billah, il ne pourra réussir l'éducation. Il ne pourra réussir l'éducation. Et il fera ressentir à l'enfant qu'il est mal aimé. Et lorsque l'enfant ressentira qu'il est mal aimé, il cherchera à obéir à autre que ce parent-là. Il cherchera à se rapprocher d'autre que ce parent-là. Naam. La condition suivante, wakasahunna min jidati. Il les habille. Naam, min jidati et min rina, selon ce qu'il a. Naam, selon les richesses qu'il a. Comme Allah Azzawajal dit dans le Coran, dans Surat Al-Talaq, لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. Allah n'impose à une personne que selon ce qu'il lui a donné. Et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et ainsi, celui à qui Allah Azzawajal a donné des bienfaits, qu'il ne soit pas avare envers ses proches. Naam, il y a une différence entre être économe et être avare. Il est avare, il les prive de ce qui leur est nécessaire et de leurs besoins malgré la capacité à leur donner. Naam, il est économe, il ne veut pas dépenser plus que le nécessaire, car il veut le garder pour une future affaire. Naam. Ou pour une éducation. Il se peut que tu aies des moyens, mais que tu restreignes quelque peu des dons. Pourquoi? Pour éduquer l'âme de l'enfant. Pour lui apprendre qu'on ne peut pas tout avoir quand on le veut, comme on le veut, à l'instant souhaité. Ça, c'est une éducation, l'éducation de l'âme. Tu as les moyens, l'enfant veut cela. Tu peux lui acheter avec la plus grande facilité, mais tu lui dis non. Pourquoi? Pour qu'il ne grandisse pas dans un monde où il pense qu'en claquant des doigts, il obtient tout ce qu'il veut. Non, il doit connaître la frustration. Il doit comprendre qu'il y a un mérite qui est rattaché au don. Il doit comprendre qu'il faut faire des causes, qu'il faut faire des efforts. Quant à l'enfant qui a été habitué, parce que ses parents ont des moyens, à tout avoir, tout ce qu'il veut, tous les gens du foyer obtiennent tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, ça n'est pas une bonne éducation. Ça n'est pas une bonne éducation. Parce que son âme, il ne pourra pas la faire se soumettre une fois qu'il a grandi des années dans ça. Non. Lorsque l'arbre pousse et les plantes poussent, tu peux les orienter en mettant un bout de bois, les redresser quand elles poussent de travers. Mais lorsque c'est un tronc gigantesque, hein, quand l'enfant a grandi, tu peux le redresser facilement comme tu redressais la tige. Donc l'éducation de l'âme, c'est une science sur laquelle il faut se pencher. En commençant par ta personne. En commençant par ta personne. Barakallahu fikum. Et comme le dit Omar ibn Khattab, ikhshawshanu, fa inna ni'mata la tadoum. Endurcissez-vous, parce que le bienfait ne dure pas. Aujourd'hui tu es riche, demain tu peux être pauvre. Mais si pendant ta richesse, tu n'as pas éduqué ton âme à supporter les moments de difficulté, une fois que tu n'auras pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Par contre, celui qui, dans l'aisance et l'adversité, il avance, s'il a beaucoup, il remercie Allah, s'il a peu, il endure, il remercie Allah, à la kulli hal, dans tout état. Lui, il sera le plus fort. Et lui, il va connaître la valeur du bienfait d'Allah. Il va connaître la valeur du bienfait d'Allah. Quelle sera la récompense de cette personne, de ses parents, hommes et femmes, qui ont eu des filles, qui ont enduré avec elles, qui ont dépensé pour elles, particulièrement donc le père, kunna lahu hijaban minan nar. Elles seront un voile, un rempart, un bouclier contre le feu dans l'enfer. On voit ici le grand mérite d'avoir des filles et de s'en occuper comme il plaît. Ta Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une préservation contre le feu de l'enfer. Et permettez-moi de vous conter une histoire, Naam, qu'un cheikh a racontée dans son dars. C'est l'histoire d'un homme qui a épousé une femme. Et subhanallah, Allah azawajal, lui a donné plus de 6 enfants. Et lui, aimait énormément avoir quoi? Un garçon. Premier enfant, il attend. Elle accouche, il demande, on lui dit, c'est une fille. Deuxième enfant, elle accouche, il demande, c'est quoi? C'est une fille. Troisième enfant, il demande, c'est quoi? C'est une fille. Ça commence à être lourd pour lui. Il attend, il espère un garçon. Naam. Quatrième enfant, c'est une fille. Cinquième enfant, c'est une fille. Allahu Akbar. Et là, il supporte plus la situation. Et il oublie que c'est Allah qui décide. Alors il commence à avoir beaucoup de haine envers cette femme, envers donc son épouse. Et là, il commence à extérioriser sa colère et son mécontentement à son épouse. Et elle lui dit, mais c'est Allah qui donne, c'est Allah qui décide. Comme dans le Coran, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il fait don à qui il veut de fille, il fait don à qui il veut de garçon. Naam. Mais lui, dans sa quête du garçon, n'est pas attentif à ce rappel. À nouveau, elle tombe enceinte. Pour le combientième enfant? Le sixième. Naam. Le sixième. Et là, il la menace. Il lui dit, si tu n'enfantes pas, Naam, Mada, un garçon, je pense qu'on ne pourra plus continuer ensemble. Allahu Akbar, l'épreuve de la femme. Alors qu'elle n'a aucune clé dans ses mains sur ce sujet-là. Elle enfante une fille encore. Il pense à la divorcer, mais il espère toujours avoir un garçon. Et là, une septième grossesse. Cette fois-ci, il lui dit, si tu n'enfantes pas un garçon, tu seras divorcé. Tu seras divorcé. Les mois passèrent, 1 mois, 2 mois, proche de l'accouchement, il fit un rêve. Cet homme-là fit un rêve. Et le rêve, comme vous le savez, ça peut être une bonne nouvelle, comme ça peut être un avertissement, mais on ne tire pas de règles religieuses. On ne tire pas de règles religieuses d'un rêve. Ça peut être El Nidara, ça peut être El Bichara. D'accord? Ça peut te réconforter dans une décision. Mais on ne prend pas de règles religieuses, de jugement de halal, de haram, d'adoration, non. De méthodologie, de chemin. Donc, dans son rêve, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'était la fin du monde. Il a vu que c'était quoi? C'était la fin du monde. Et on l'a saisi, on le ramenait au feu de l'enfer. Arrivé à la première porte, on a voulu le mettre en enfer. Et là, il y a eu quoi? Il y a eu sa première fille qui s'est interposée et qui l'a pris. Elle l'a empêché d'entrer en enfer. Alors on l'a pris, on l'a ramené vers la deuxième porte de l'enfer. Il y avait sa deuxième fille. Elle s'est interposée, elle l'a pris par la main, elle l'a empêché d'entrer en enfer. Puis la troisième porte de l'enfer, sa troisième fille, elle s'est interposée. Elle a pris par la main, l'empêcher d'entrer en enfer. Quatrième porte de l'enfer, il trouve sa quatrième fille. Elle s'est interposée, elle l'a pris par la main, elle l'empêche d'aller en enfer. Cinquième porte de l'enfer, il trouve sa cinquième fille. Elle s'est interposée, elle l'a pris par la main, elle l'empêche d'entrer en enfer. Sixième porte de l'enfer, il trouve sa sixième fille. Elle s'interpose, elle le prend par la main, l'empêche d'entrer en enfer. L'enfer a combien de portes? Allah nous dit dans le Coran, Laha sab'atu abwab. L'enfer a 7 portes. Et lui, a combien de filles? Il en a 6. Il en a 6. Et là, on l'amène à la 7e porte de l'enfer et on le jette en enfer. Il se réveille en sursaut, effrayé de la vision qu'il a eue. Et là, il commence à demander à Allah, il veut une fille. Non, il commence à aimer les filles. Il veut avoir une fille. Et le jour de l'accouchement arrive et il attend impatiemment. Et il demande, elle a quoi? Elle a quoi? Et il y a l'accouchement, et il y a le travail, et il y a Mada, l'épreuve. Arrivé à la fin, on l'informe de la naissance et il fond en larmes. Vous savez pourquoi? Ce qu'il a attendu tout ce temps-là, c'est ce qui est arrivé ce jour-là. Mais lui, maintenant, il voulait les filles. Il voulait une fille. On lui a dit, tu vois, là, je t'annonce la naissance d'un garçon, il a fondu en larmes. Parce qu'il voulait une fille. Comme Allah Azza wa Jalla tourne les cœurs, Allahu Akbar. Comme Allah Azza wa Jalla tourne les cœurs. Et permettez-moi de vous dire comment était considérée la fille dans la Jahiliya. Dans la période anti-islamique, la fille n'avait aucune valeur. Elle n'avait guère plus de valeur que le bétail. À un point tel qu'on irritait d'elle, on héritait d'elle. Elle irritait et on héritait d'elle. Elle était méprisée, plus encore détestée. Elle était détestée, on détestait avoir une fille. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Naml nous informe de cette réalité et nous dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الله عز وجل nous dit et lorsqu'on leur annonçait, lorsqu'on annonça à l'un d'eux qu'il attendait une fille ou qu'il avait eu la naissance d'une fille, son visage s'assombrissait. Et il était plein de tristesse et rempli de mourons, de soucis. Il se cachait de son peuple tout en s'interrogeant. Et vais-je la garder avec cette humiliation d'avoir une fille ou bien vais-je l'enterrer vivante dans la poussière, dans la terre? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il détestait tellement avoir une fille que ça, c'était un dilemme pour eux. Je vais rencontrer mon peuple avec une fille, je vais dire j'ai une fille, c'est une humiliation. Ou alors je m'en débarrasse, je m'enterre vivante. El Mawoudatou. Ils enterraient les filles vivantes. Ils enterraient les filles vivantes. Toute personne, et là je m'adresse aux contemporains, toute personne à qui on annonce que sa femme a enfanté d'une fille et qu'il s'attriste pour cela, il n'agrée pas cela, qu'il sache qu'il a une ressemblance avec les gens de la Jahiliya, les gens de la période anti-islamique qu'Allah Azza wa Jalla a détesté. La fille est un don. Allah l'a appelé un don dans le Coran. Hiba. Il nous dit Yahabu liman yasha. Il fait don à qui il veut et il commence par les filles avant les garçons. Yahabu liman yasha ou inatha. Wa yahabu liman yasha ou dhukur. Il fait don à qui il veut de filles. Ça veut dire cette fille que tu as eue, c'est un don d'Allah. C'est un don. C'est plus qu'un cadeau. C'est un don. Il y a des différences entre le don et le cadeau. Dans la Jahiliya, ils enterraient les filles vivantes. L'islam a donné la vie à la fille. Ils disent que l'islam a opprimé la femme. L'islam a donné la vie à la femme. Elle était enterrée vivante, elle n'avait pas le droit à la vie. Ils parlent de liberté, on leur parle de vivre en plus de cela. L'islam a donné la vie à la femme, elle était enterrée vivante. Comment peuvent-ils dire qu'elle a été opprimée? L'islam a donné la vie à la femme à une époque où il y avait une divergence. Est-ce que la femme a une âme ou pas? Est-ce que les filles, elles ont une âme ou pas? Est-ce que la femme a une âme ou pas? Est-ce qu'elle est plus proche de l'animal ou de l'humain? C'était les discussions qu'il y avait auprès des puissances qui étaient tel peuple et tel peuple. Alors qu'à cette époque-là, l'islam leur disait, non seulement c'est un humain, non seulement elle a une âme, mais le prophète nous dit, An-nisa shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les consœurs des hommes. Les femmes sont les consœurs des hommes. Dans la jahiliya, on héritait de la femme. Allahu Akbar. Ça veut dire avec la maison, avec les bœufs, les chameaux, il y avait la femme de l'homme. Quant à l'islam, il a donné le droit à l'héritage, à la femme. Allahu Akbar. Il lui a donné le droit à l'héritage. Dans la jahiliya, une multitude d'hommes venaient et avaient des rapports avec la femme. Puis lorsqu'elle enfantait, on regardait à qui il ressemblait le plus, on lui disait « c'est toi le père et tu pars avec elle ». Elle n'était aucunement considérée, elle n'avait aucun honneur. En islam, celui qui nuit à une femme dans son honneur a la sanction la plus sévère. A la sanction la plus sévère. Naam. Allah Azza wa Jal nous informe que cette petite fille qui a été enterrée vivante, Allah Azza wa Jal va lui donner son droit le jour du jugement dernier. Cette petite fille qui n'avait aucune valeur pour vous au point de l'enterrer dans la terre, Allah Azza wa Jal vous dit, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Le jour où la fille enterrée vivante sera questionnée, pour quel péché as-tu été assassinée? Allah Azza wa Jal va la secourir yawm al-qiyama. Une petite fille qui était insignifiante dans son peuple. Allah Azza wa Jal va lui redonner sa noblesse. Comme il nous le mentionne dans Surah At-Takwir. Il détestait tellement les filles dans la jahiliya, les méprisait tellement que l'un d'entre eux dans la jahiliya, écoutez bien, Ikhwan al-Kiram, la situation. La femme allait accoucher, il prenait la femme avec lui et l'emmenait dans le désert. Il creusait un trou. Et la femme accouchait à côté du trou. Si c'était un garçon, il rentrait à trois. Si c'était une fille, il rentrait à deux. Si c'était une fille, après quelques secondes de sa naissance, il la mettrait dans le trou. Il la mettait dans le trou. Il renfermait le trou et il partait. Il détestait tellement la fille qu'il ne voulait pas la voir sur la terre. Ne serait-ce qu'une minute, il la mettait sous terre directement. Il la mettait sous terre directement. En islam, on souhaite que la fille vive le plus longtemps possible dans l'obéissance d'Allah. Avant l'islam, on ne voulait pas la voir sur terre, ne serait-ce qu'une minute. Ils disent que l'islam a opprimé la femme. Subhanaka hadha buhtanun azim. Le prophète alayhi salatu wassalam a mis fin à ses pratiques. Et il nous dit, dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah rapporté par l'imam muslim, « Inna Allah harrama alaykum uquqa al-ummahat. Uquqa al-ummahat. Certes, Allah vous a interdit la désobéissance envers les mères. Wa wa'ahda al-banat. » Il vous a également interdit de quoi? D'enterrer les filles vivantes. Wa man'an wa'ahat. Ni d'interdire le droit des gens et de réclamer ce qui n'est pas notre droit. Jusqu'à la fin du hadith. Il faut prendre soin de cette fille. Il faut donner l'affection à cette fille. Il faut la préserver. Car cette fille, si elle est délaissée, elle est abandonnée, elle n'est pas éduquée, elle deviendra la proie des fauves mal intentionnés. Donc notre obligation est de se réjouir d'avoir une fille, de considérer que c'est un don d'Allah Azza wa Jal et de chercher l'aide d'Allah Azza wa Jal afin de l'éduquer et d'en faire un joyau qu'Allah Azza wa Jal a voulu pour nous. De l'éduquer, de la préserver jusqu'à la marier à un homme qui saura l'honorer. et lui enseigne le bien. Il l'avertit contre le mal. Il lui enseigne sa religion. Il lui enseigne les affaires de son bas-monde. Il lui apprend à lire, il lui apprend à écrire. Il lui apprend la droiture, la connaissance d'Allah. Subhan, la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'islam. Puis il lui apprend la purification et la salat. Il lui apprend les courtes sourates du Coran, al-Fatiha. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ou de Zalzala jusqu'à Nas. Et il lui apprend le qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui apprend les bons comportements, il lui apprend la langue arabe. Naam. Et la femme a été considérée en islam comme vous le voyez ici, qu'elle soit une fille, comme on l'a vu pendant le mois de Ramadan, qu'elle soit une mère, qu'elle soit une tante, qu'elle soit une grand-mère, qu'elle soit une sœur, comme on le verra juste après, incha'Allah ta'ala. Quelle que soit sa situation et sa place dans la famille, Allah Azza wa Jalla l'a honoré. Si Allah Azza wa Jalla l'a honoré, est-ce qu'on a le droit, nous, de lui nuire par la suite? Est-ce qu'on a le droit, nous, de ne pas lui accorder son droit par la suite? Naam. Puis l'imam al-Bukhari nous mentionne le hadith an ibn Abbas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannah. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le hadith Abdullah ibn Abbas, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un musulman ayant deux filles et s'en occupant avec attention, ou bien il n'y a pas un musulman ayant deux filles tout en agissant avec bienfaisance envers elles dans leur accompagnement sans que celle-ci ne le fasse entrer au paradis. Dans le hadith précédent, c'était quoi la récompense, le mérite de s'occuper des filles? Être préservé du feu de l'enfer. Et dans ce hadith-là, c'est quoi le mérite? Rentrer au paradis. Et l'union de ces deux choses-là, être préservé de l'enfer et rentrer au paradis, Allah dans le Coran l'a appelé comment? Al-Fawz, le succès, la réussite. T'as gagné. Donc, si tu t'occupes bien des filles, t'as gagné. Parce que tu te seras soumis à Allah Azza wa Jal. Tu obtiendras donc le bien de la part d'Allah Azza wa Jal. Je répète le hadith. Il n'y a pas un musulman ayant deux filles, se montrant bienfaisant envers elles tout en les accompagnant, c'est-à-dire dans leur vie, sans qu'elles ne le fassent entrer au paradis. Qui fait entrer au paradis? C'est Allah. Mais dans le hadith, on nous dit ces filles-là. C'est tellement une grande cause. Et une grande cause de miséricorde. Naam, elles font entrer au paradis. Dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas nous mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui à qui Allah azza wa jalla a accordé deux filles. Naam, celui à qui Allah azza wa jalla a accordé deux filles. Fa yuhsinu suhbatahuma. Il se comporte bien envers, il est bienfaisant envers elles. Dans quoi? Leur éducation, les dépenses et tout ce qu'on a mentionné auparavant. Il est dans la bienfaisance. Il est dans la bienfaisance. Quelle est la récompense? Adkhalata ul jannah. Elles le font entrer au paradis. Le hadith suivant, an Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, haddatha muqala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man kana lahu thalathu banat, yu'wihin, wa yakfihin, ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه nous dit: ou bien raconter que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a trois filles se charge d'elles, se charge d'elles, ou plutôt l'éloge. Quiconque a trois filles l'éloge, donc il leur donne le gîte, ou yakfihin, il pourvoit à leurs besoins jusqu'à suffisance, ou yarhamuhun, il leur fait miséricorde, faqad wajabat lahul jannah al batta, assurément le paradis lui revient de droit. Assurément le paradis lui revient de droit. Certains parmi les gens dirent alors, et même si c'est deux au message d'Allah, et lui de répondre, même si c'est deux. Même si c'est deux. Dans ce hadith, on voit à nouveau le grand mérite de prendre soin de fi qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Pour ce faire, on nous mentionne ici des points. Premièrement, on nous cite le chiffre de 3. Et avant ça, on avait un hadith où il y avait 2. Et dans ce hadith-là, par la suite, on voit également 2. Quel est sa bienfaisance envers ses filles? Premièrement, il l'éloge. Premièrement, il l'éloge. Ou il est la cause qu'elle soit logée. Ici, il s'agit du lieu de séjour, il s'agit du logement, où elles vont dormir, où elles vont être préservées, où elles vont être mastoura, où elles vont manger, où elles vont grandir, où elles vont jouer, où elles vont se réveiller, où elles vont avoir leur joie et peu de peine. C'est le logement. Le deuxième point, ويكفيهن, il pourvoit à leurs besoins. Ils pourvoient à leurs besoins. Certains, lorsqu'ils ont des garçons, ils ont facilité à dépenser, se disant que le garçon, plus tard, il sera une aide. Et il est bon de savoir les causes pour lesquelles les Arabes de la période anti-islamique détestaient avoir des filles. Parmi les causes, il y avait que c'était un temps de guerre. Alors ils voulaient des garçons et pas des filles. Parmi les causes, ils avaient peur d'être humiliés si la fille allait dans la dépravation. Ça allait entacher l'honneur de toute la famille sur des générations. Parmi les causes, la fille, il fallait dépenser pour elle. Et le garçon, lui, allait aider et dépenser pour nous. Naam. L'islam te dit, dépense pour les filles. Et c'est un bien. Et Allah Azza wa Jal va te donner. Et Allah Azza wa Jal va te récompenser. Et Allah Azza wa Jal va te protéger de l'enfer. Le troisième point, wa yarhamuhun, il a pitié d'elle, il est plein de miséricorde pour elle. Celui qui se comporte ainsi, le prophète nous dit, wajabat lahul jannah, le paradis lui revient de droit, elle batta, puis il appuie cela, sans aucun doute, assurément. Et là, des gens ont dit, même si c'est dû au messager d'Allah, on peut supposer qu'un homme dans l'assise avait pas trois filles. Et il a espéré énormément entrer dans le hadith. Alors il lui dit, même si c'est deux. Ou il connaît quelqu'un qui a deux, ou bien il veut savoir est-ce que c'est un chiffre précis, ou bien même s'il y a moins. Le prophète lui dit, même deux. Dans certaines sources du hadith, rapportées par Abu Daoud, l'imam Ahmed, Ibn Abi Shayba, Al-Hakim rahmatullahi alayhim, nous avons celui wa man wulidat lahu untha, celui à qui on donne une fille, donc il a la naissance d'une fille, falam ya'idha, et il ne l'enterre pas vivante, wa lam yuhinha, il ne l'avilit pas, wa lam yu'thir waladahu alayha, et il ne préfère pas son garçon sur elle. Il ne donne pas prévalence à son garçon sur elle. Adkhalahu Allahu al-jannah. Allah le fera entrer au paradis. Adkhalahu Allahu biha al-jannah. Allah le fera entrer par elle au paradis. Tous ces textes nous montrent quoi? Allahu Akbar, la grande valeur d'avoir une fille. Et combien d'hommes, et combien de pères et de grands-pères, j'entendais dire, moi je veux un garçon. Un garçon c'est mieux, parce que. Naam. Certains sont même épris de foot, de football à un point tel, qu'ils disent, je veux un garçon pour jouer au foot avec lui. Ou il a des passions, il veut un garçon pour pouvoir pratiquer ses passions avec lui. Et je dis, une fille c'est pas pareil. Une fille va pas me comprendre. Une fille c'est trop fragile. Une fille, plein d'excuses. Puis tu lui demandes, tu as combien de filles? Il dit, non, j'ai pas de filles. Soit il connaît même pas les filles. Soit il n'a pas d'enfant. Mais c'est son souhait, sa préférence. Soit il a eu un garçon. Et il a eu ses sentiments de la paternité ou de la maternité autre. Naam, je parle des hommes car j'en suis un, mais en réalité ça touche beaucoup les femmes aussi. Beaucoup de femmes veulent un garçon. Naam, particulièrement en premier. Naam, et c'est comme si j'entendais l'une d'elles dire, ah je veux un garçon, comme ça j'aurai un mahram, et comme ça je pourrai voyager plus. Hein? Parce que le mari, il donne pas beaucoup de temps à la femme. Le mari veut travailler. Le mari veut sortir avec ses amis, kada. Mais le fils, il aura pas le choix. Tu me ramènes voyager, tu me ramènes. Hein? Ça peut être des bons voyages, ça peut être l'Umra, ça peut être le Hajj. Naam. Et pour d'autres, ça peut être, c'est quoi les grandes destinations à la mode? Hein? Les Maldives. J'entends Dubaï. Naam. Et j'oublie, il y a un nom qui, j'entends souvent, j'ai oublié, subhanallah, à la kulli hal, des destinations, ça, qui peuvent être louables comme nom. Quoi qu'il en soit, les causes sont multiples. Mais il parle sans science. Puis, Allah Azza wa Jalla leur donne un garçon. Ils aiment le garçon. Ils grandissent avec le garçon. Le garçon grandit avec eux. Et il devient turbulent. Il devient lourd. Il est fatigant. Il réveille toutes les nuits. Il obéit pas. Puis il grandit. Puis il ramène des problèmes. Puis il ramène du malheur. Et elle dit, j'aurais tant voulu avoir une fille. Hein? Mais toi, tu voulais un garçon depuis, avant même la naissance de la fille, tu l'as enterré dans ton cœur. Tu voulais un garçon? Allah Azza wa Jalla t'a donné un garçon. Maintenant, tu te plains. Puis ces mêmes personnes-là, Allah Azza wa Jalla leur a donné une fille. Hein? Et la fille, elle est affectueuse. Elle regarde. Ses yeux sont que pour son père. Et elle caresse le père, et elle embrasse le père. Et elle repousse tout le monde sauf le père. Naam. Et elle sourit à son père. Et quand il la couche, elle dort directement. Quand elle est couchée, elle dort directement. Elle se réveille, peut-être elle pleure même pas et elle attend. Et elle marche plus vite, elle comprend plus vite, elle apprend plus vite. Il dit, ah, c'est bien une fille en vrai, subhanallah. Et il se met à aimer les filles. Après, il veut des filles. Il veut qu'il y ait des filles. Combien on en a rencontré? Naam, combien on en a rencontré? Et un homme, lorsqu'il avait des filles, sacrifiait deux moutons. Un cher nous a raconté cette histoire. Un cher d'Algérie. Maza. Quand il avait une fille, sacrifiait deux moutons. Et quand il avait un garçon, il sacrifiait un mouton. On lui a dit, mais la sunna, c'est le contraire. Pourquoi quand t'as des filles, toujours tu sacrifies deux moutons? Et quand t'as Maza, un garçon, sacrifie un mouton. Il a dit, parce que celle-ci, elle me laissera jamais dehors. Mais dehors. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Puis il a raconté son histoire. C'est que un jour, il a marié un de ses fils. Et la première nuit, la femme à son fils lui a dit, on va se mettre d'accord sur des choses. Chacun d'entre nous, lorsqu'on recevra nos parents à la maison, il n'y a pas de problème, c'est nos parents, il faut les honorer. Mais, ils ne dorment pas ici. Ils dorment à l'hôtel ou on les loge quelque part. Et lui, il est jeune marié, il est encore aveugle. Hein? Ils disent que l'amour rend aveugle et que le mariage redonne la vue. Hein? L'amour rend aveugle, le mariage redonne la vue. Il est encore aveugle à ce moment-là. Et il a accepté, meskin. Il a accepté. Hein? Alors que le clairvoyant, il la conseille, si elle retrouve la raison, pas la vue, la raison, peut-être il la garde, dans le cas contraire, il la ramène chez sa famille. Il dit, il y a un défaut ici, il y a un problème. Non. 1 million de femmes, il ne les change pas pour un bout de mer de sa mère, ou un jour qu'il reste à vivre à sa mère. Jamais. Si c'est un homme, jamais. Et elle lui dit ça, elle accepte, mais ce qu'il est encore avec. Plus tard, les parents de l'homme les visitent. Elle lui dit, rappelle-toi hein, ce qu'on a convenu. Il l'honore, à manger, kada, où on dormir. Il est gêné, il dit à ses parents, à son père, Ismaili, kada, kada, c'est petit chez nous, et kada. Il ramène des excuses, des fausses excuses, et il les loge à l'hôtel. Non? Plus tard, les parents de la fille les visitent. Il lui dit, rappelle-toi ce qu'on a convenu. Elle dit, ouais, t'inquiète pas. Il les honore, à manger, à boire, kada, kada. À la fin de la nuit, elle commence à préparer la pièce. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, il est vieux, miskin. Je vais pas le faire dormir dehors. Je vais pas le ramener là-bas. Et il commence à dire, à parler, jusqu'à ce qu'il accepte. Et c'est de là, Naam, c'est de là que le père, quand c'était une fille sacrifiée de mouton, il a dit, jamais me fera dormir dehors celle-là. Pourquoi? Parce que le garçon, lui, il avait fait dormir dehors le père. Et jamais elle fait dormir le père dehors. Naam. La fille, elle a une grande valeur. Et wallah, seulement celui à qui Allah Azzawajal a donné des filles pourra comprendre. Naam, pourra comprendre cela. La fille, elle peut te dire des phrases que tu n'as même pas imaginées et que tu ne sais même pas qu'elle comprend. Je vais te donner quelques exemples. Voilà une abu kamithlu khabir. Tu peux entendre ta fille te dire, Abi, c'est quoi la mort? Tu dis, subhanallah, elle a 5 ans, pourquoi elle parle de la mort? Tu dis, voilà, Allah Azzawajal reprend ton âme, après t'es enterré, kada, kada, et après il va te ressusciter. Elle dit, Abi, moi, j'ai pas envie de mourir. Je dis, mais Inch'Allah, tu vas vivre longtemps, mais pourquoi tu parles de ça? Je dis, parce que si je meurs, ça veut dire que je pourrais plus être avec toi. Allahu Akbar. Est-ce que, Yanni, qui va te dire ça? Ouais, dit, Abi, moi, quand je vais grandir, je vais habiter juste à côté de toi et Oumi. Comme ça, on se voit tout le temps. Elle sait même pas c'est quoi le mariage, ça. Eh, mais elle pense déjà, quand je vais être grande, il faut pas que je sois loin de mes parents. Nam. Et dès qu'elle se lève, elle vient. Elle t'embrasse. Elle te fait des câlins. Elle déborde d'amour pour toi. Comment est-ce que tu pourrais préférer quelqu'un d'autre à elle? Et en cela, tu as un parfait exemple. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Dans sa maladie de mort, dans ses derniers souffles, dans ses dernières forces, il les utilise pour qui? Pour sa fille Fatima lorsqu'elle arrive. Marhaban bibnati. Que ma fille soit la bienvenue. Et lui, il lui fait de la place. Il la fait s'asseoir à ses côtés. Il lui parle. Il lui fait des confidences. Hakada. On s'est mené énormément sa fille Fatima. Et il lui annonçait les bonnes nouvelles. Et il prenait soin d'elle. Non. Et allez, les exemples sont très nombreux. Les exemples sont très nombreux, mais on arrive à Mada, proche de la fin, Mada, de notre cours. Tout ça pour dire qu'en islam, la fille a été valorisée. En islam, la fille a été valorisée. Il faut lui donner la place qu'Allah Azza wa Jal a voulu pour elle. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une descendance pieuse. On demande à Allah azza wa jalla de nous accorder une descendance pieuse, de préserver nos filles et d'en faire des lumières pour les générations à venir et qu'elles soient les meilleures des filles, les meilleures des épouses, les meilleures des mères, les meilleures des tantes, les meilleures des grands-mères, qu'Allah allonge leur vie sur l'islam et la sunna. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana.